L'emménagement a commencé dans l'avenue du Mion, digne de l'époque du Parti du Travail. Le 17 avril, les professeurs et chercheurs de l'université Kim Il-sung et les habitants évacués se sont aménagés les premiers dans l'immeuble de 69 étages. Les étudiants ont félicité les professeurs. Les professeurs, les chercheurs et les habitants évacués ont exprimé les remerciements au dirigeant suprême Kim Jong-un pour avoir réuni toutes les conditions de vie et distribué les appartements nouveaux.